Chapitre 10e. Solution impossible. La nuit, durant sa permanence à l'infirmerie de l'hôpital, Karim finit la lecture du troisième livre prêté par Sylla Fid sur l'autogestion algérienne. Un passage l'impressionne très fort, le portant à une longue réflexion. Tout a été complètement discrédité, quand pas occulté. Comme toujours et partout, les vainqueurs cachent leurs défauts, leurs bassesses et leurs crimes, pour calomnier les vaincus, en les stigmatisant des tares les plus infamantes. Si je n'avais pas connu Sylla Fid, se dit Karim, aurais-je pu lire ses livres et savoir la vérité? J'ai entendu parler et j'ai lu dans les journaux à propos de tellement de choses, mais sur la vraie révolution russe, la vraie révolution espagnole, la vraie autogestion algérienne, jamais. Une collègue entre dans l'infirmerie. Voyant Karim et le livre entre ses mains, elle s'étonne. « Tu ne dors pas ?»« Je m'instruis », répond-il d'un ton amusé. L'infirmière secoue la tête en signe de doute. Dis plutôt que tu lis un roman d'amour. En effet. Tu vois, je le savais. Raconte-moi alors l'histoire. Il réfléchit brièvement. Puis, c'est l'histoire d'un homme qui aime une femme. Où? Sur la planète Terre. Et alors? La femme s'appelle Humanité. Humanité? Oui, c'est son nom. Quelqu'un prétend l'aimer, mais son amour consiste à la dominer pour l'exploiter. Alors elle, n'étant pas masochiste, cherche à s'en libérer. Cependant, le méchant, soi-disant amoureux, l'accuse, elle, de méchanceté et la punit cruellement, par l'intermédiaire de complices qu'il paye. Cependant, Humanité ne se résigne pas. Elle résiste et se bat comme elle peut pour se libérer. Comment cela finit? Je te le dirai quand je terminerai le livre. Karim est surpris par un soupir qui lui vient. Pourquoi ce soupir? Demande la collègue. À ton avis, lui demande-t-il, quel est le mal et la douleur les plus grands, physiques ou psychiques? Interloquée par la question, la femme se reprend. « Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce qui fait plus mal et qu'il faut d'abord combattre? Les maladies causées par la nature biologique de l'être humain ou les injustices sociales dont il est victime de la part d'autres êtres humains? « Aïe, aïe, ama, oh ma mère, qu'elle demande. Si ce livre te porte à cette question, il vaut mieux l'abandonner et dormir. Allez, moi j'ai fini mon service, bonne nuit. » Elle sort. La demande formulée par Karim lui trotte encore dans l'esprit. « Oui, qu'est-ce qui est le plus utile à l'humanité? Guérir le corps ou la société de ce qui les rend malades ?» Il se lève, pose son livre et va à la fenêtre. Il l'ouvre. Il respire à plein poumon l'air frais pour se détendre. Ses yeux se promènent sur le firmament noir, profond, mystérieux, et remarque quelques étoiles, les unes plus scintillantes que les autres, l'une d'elles avec une lumière blanche particulièrement intense. Le cerveau de Karim se réactive. L'esprit ne souffre-t-il pas davantage que le corps? L'humiliation n'est-elle pas plus douloureuse qu'un mal physique? Ce dernier provient d'une nature déficiente, tandis que la première est causée par un être humain. N'est-ce pas plus insupportable? Le lendemain matin, Karim est en compagnie de Sylla Fid, sur la terrasse du bar des amis, assis à la même table, surmonté des mêmes deux verres de thé à la menthe. Karim fait part à son vieil ami du problème concernant le mal biologique et le mal social, en finissant par conclure. « Pour moi, le mal social est plus grave et plus insupportable que le mal physique. »« Ta sensibilité n'est pas, hélas, celle de tous les autres, » rétorque Sylla Fid. « Explique-moi davantage. » »« La sensibilité résulte des expériences pratiques et des connaissances intellectuelles personnelles acquises. À ce propos, on constate ceci. Dans leur majorité, les personnes préfèrent la plus vile des humiliations si elles leur épargnent une souffrance physique ou une privation matérielle. Autrement, l'humanité ne serait pas au stade d'asservissement où elle se trouve. Quelle serait alors la solution? Sylla Fid hausse les sourcils d'un air interrogatif. L'humanité la cherche depuis toujours, et la meilleure trouvée n'a malheureusement pas connu le succès escompté. L'autogestion. Exactement.